puisqu'elle ne peut elle-même me révéler ses sentiments. En son nom, parlez-moi quand même, effeuillez-vous bien gentiment. Depuis longtemps j'étais fixé, un peu c'est beaucoup d'insolence, beaucoup c'est mieux mais pas assez. Allons pour moi, soyez mignonne, ayez pitié de mon tourment. En tremblant mon cœur vous questionne, répondez-moi passionnément. Passionnément. Ah, dites, petite Marguerite, cent fois de suite ce mot charmant, des amoureux jolies fleurs favorites, dites, passionnément. Dites, petite Marguerite, cent fois de suite ce mot charmant, des amoureux jolies fleurs favorites. Ah, dites, passionnément. Pardonnez si mes mains brutales, avidement et sans regret, arrache tout vos blancs pétales pour arracher votre secret. Et malgré que je vous torture, ne vous vengez pas méchamment. Et toutes je vous en conjure, murmurez-moi passionnément. Passionnément. Petite Marguerite, cent fois de suite ce mot charmant, des amoureux jolies fleurs favorites, dites, passionnément. Ah, dites, petite Marguerite, cent fois de suite ce mot charmant, des amoureux jolies fleurs favorites, dites, passionnément.